Activité 28. 1. Bonjour, monsieur Clément au téléphone. Je prépare notre entretien de demain. Envoyez-moi une photocopie de votre carte d'identité, s'il vous plaît. Merci. À demain. 2. Bonjour, c'est monsieur Dumont de l'Agence pour l'emploi. J'ai votre CV, mais je n'ai pas votre lettre de motivation. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer par courriel ? C'est urgent. Merci. 3. Pour la réunion avec le directeur du théâtre, n'oubliez pas le programme du concert. Le directeur veut voir la liste des chanteurs. La réunion doit durer 30 minutes maximum. Merci.